Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par le figuier et l'olivier, par le mont Sinaï, par cette cité si sûre, nous avons créé l'homme dans la meilleure forme qui soit. Puis nous l'avons fait choir au rang le plus bas. Sauf ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, qui, eux, auront une récompense inépuisable. Qu'est-ce qui te pousse, ô homme, après cela, à prendre pour un mensonge la rétribution ? Allah n'est-il pas le plus sage des juges ?